Chapitre 5e. Je commençais alors à soupçonner que toute cette affaire pourrait mal tourner pour moi, mais une rétractation qu'il m'était impossible d'appuyer d'aucune preuve devait m'être plus dangereuse que le silence. Il était d'ailleurs trop tard pour songer à le rompre. Toutes ces idées m'agitèrent si vivement que j'en fis une maladie pendant laquelle Francine me prodigua toutes sortes de soins. À peine fus-je convalescent que, ne pouvant supporter plus longtemps l'état d'incertitude où j'étais sur l'issue de mon affaire, je résolus de m'évader, et de m'évader par la porte, bien que cela dût paraître assez difficile. Quelques observations particulières me déterminèrent à choisir cette voie de préférence à toute autre. Le guichetier de la tour Saint-Pierre était un forçat du bagne de Brest, condamné à perpétuité. Lors de la révision des condamnations, d'après le code de 1791, il avait obtenu une commutation en 6 années de réclusion dans les prisons de Lille, où il se rendit utile au concierge. Celui-ci, persuadé qu'un homme qui avait passé 4 ans au bagne était un aigle en fait de surveillance, puisqu'il devait connaître à peu près tous les moyens d'évasion, le promut aux fonctions de guichetier qu'il croyait ne pas pouvoir mieux confier. C'était cependant sur l'ineptie de ce prodige de finesse que je comptais pour réussir dans mon projet, et il me paraissait d'autant plus facile à tromper qu'il était plus confiant dans sa perspicacité. Je comptais en un mot passer devant lui sous l'uniforme d'un officier supérieur chargé de visiter 2 fois par semaine la tour Saint-Pierre qui servait aussi de prison militaire. Francine, que je voyais presque tous les jours, me fit faire les habits nécessaires qu'elle m'apporta dans son manchon. Je les essayai aussitôt, ils m'allaient à merveille. Quelques détenus qui me virent sous ce costume assurèrent qu'il était impossible de ne pas s'y méprendre. Je me trouvais, il est vrai, de la même taille que l'officier dont j'allais jouer le rôle, et le grime vieillissait de 25 ans. Au bout de quelques jours, il vient faire sa ronde ordinaire. Pendant qu'un de mes amis l'occupe, sous prétexte d'examiner les aliments, je me travestis à la hâte et me présente à la porte. Le guichetier me tire son bonnet, m'ouvre et me voilà dans la rue. Je cours chez une amie de Francine, où je devais me rendre dans le cas où je parviendrais à m'évader, et bientôt elle-même vient m'y rejoindre. J'étais là fort en sûreté si j'eusse pu me résoudre à m'y tenir caché. Mais comment subir un esclavage presque aussi dur que celui de la tour Saint-Pierre? Depuis 3 mois que j'étais enfermé entre 4 murailles, il me tardait de dépenser une activité si longtemps comprimée. J'annonçais l'intention de partir, et comme chez moi une volonté de faire était toujours l'auxiliaire des fantaisies les plus bizarres, je sortis. Une première excursion me réussit. Le lendemain, au moment où je traversais la rue Écrémoise, un sergent de ville nommé Louis, qui avait eu l'occasion de me voir pendant ma détention, vint à ma rencontre et me demanda si j'étais libre. Il passait pour une mauvaise pratique. D'un geste, il pouvait d'ailleurs réunir 20 personnes. Je lui dis que j'étais disposé à le suivre, en le priant de me laisser dire adieu à ma maîtresse qui se trouvait dans une maison rue de l'hôpital. Il y consent, et nous trouvons en effet Francine, qui reste fort surprise de me voir en pareille compagnie. Je lui dis qu'ayant réfléchi que mon évasion pourrait me nuire dans l'esprit des juges, je me décidai à retourner à la tour Saint-Pierre pour y attendre l'issue du procès. Francine ne comprenait pas d'abord que je lui eusse fait dépenser 300 francs pour retourner au bout de 4 mois en prison. Un signe l'a mis au fait, et je trouvai même le moyen de lui dire de me mettre des cendres dans ma poche pendant que nous prenions un verre de rhum, Louis et moi. Puis, nous nous mîmes en route pour la prison. Arrivé avec mon guide dans une rue déserte, je l'aveugle avec une poignée de cendres et regagne mon asile à toutes jambes. Louis ayant fait sa déclaration, on mit à mes trousses la gendarmerie et les agents de police, y compris un commissaire nommé Jacquard, qui répondit de me prendre dans le cas où je n'aurais pas quitté la ville. Je n'ignorais aucune de ces dispositions, et au lieu de mettre un peu de circonspection dans mes démarches, j'affectais les plus ridicules bravades. On eût dit que je devais profiter de la prime promise pour mon arrestation. J'étais cependant vigoureusement pourchassé. On va s'en faire une idée. Jacquard apprend un jour que je devais dîner rue Notre-Dame dans une maison à partie. Il accourt aussitôt avec 4 agents, les laisse au rez-de-chaussée et monte dans la pièce où je me disposais à me mettre à table avec 2 femmes. Un fourrier de recrutement, qui devait former partie carrée, n'était point encore arrivé. Je reconnais le commissaire qui, ne m'ayant jamais vu, ne peut avoir le même avantage. Mon travestissement eut d'ailleurs mis en défaut tous les signalements du monde. Sans me troubler nullement, je l'approche, et du ton le plus naturel, je le prie de passer dans un cabinet dont la porte vitrée donnait sur la salle du banquet. C'est Vidocq que vous cherchez, lui dis-je alors. Si vous voulez attendre 10 minutes, je vous le ferai voir. Voilà son couvert, il ne peut guère tarder. Quand il entrera, je vous ferai signe. Mais si vous êtes seul, je doute que vous réussissiez à le prendre, car il est armé et décide à se défendre. J'ai mes gens sur l'escalier, répondit-il, et s'ils s'échappent, gardez-vous bien de les y laisser, repris-je avec un empressement affecté. Si Vidocq les aperçoit, il se méfiera de quelque embuscade, et alors adieu l'oiseau. Mais où les mettre? Eh mon Dieu, dans ce cabinet! Surtout pas de bruit, car tout manquerait, et j'ai plus d'intérêt que vous à ce qu'ils soient à l'ombre. Voilà mon commissaire claquemuré avec ses agents dans le cabinet. La porte fort solide est fermée à double tour. Alors, bien certain de fuir à temps, je crie à mes prisonniers. « Vous cherchez Vidocq, eh bien, c'est Vidocq qui vous met en cage. Au revoir !» Et me voilà parti comme un trait, laissant la troupe crier au secours et faire des efforts inouïs pour sortir du malencontreux cabinet. Deux escapades du même genre me réussirent encore, mais je finis par être arrêté et reconduit à la tour Saint-Pierre, où, pour plus de sûreté, l'on me mit au cachot avec un nommé Calandrin, qu'on punissait ainsi de 2 tentatives d'évasion. Calandrin, qui m'avait connu pendant mon premier séjour en prison, me fit aussitôt part d'une nouvelle tentative qui devait s'effectuer au moyen d'un trou pratiqué dans le mur du cachot des galériens, avec lesquels nous pouvions communiquer. La 3e nuit de ma nouvelle détention, on se mit effectivement en devoir de partir. 8 des condamnés qui passèrent d'abord furent assez heureux pour n'être pas aperçus du factionnaire placé à très peu de distance. Nous restions encore 7. On en tira la courte paille, comme c'est l'usage en pareille occasion, pour savoir qui passerait le premier des 7. Le sort m'ayant favorisé, je me déshabillai pour me glisser plus facilement dans l'ouverture, qui était fort étroite. Mais, au grand désappointement de tout le monde, j'y restai engagé, de manière à ne pouvoir ni avancer ni reculer. C'est bêtement que mes compagnons voulurent m'en arracher à force de bras. J'étais pris comme dans un étau, et la douleur de cette position, tellement vive, que n'espérant plus de secours de l'intérieur, j'appelai le factionnaire pour lui demander du secours. Il approcha avec les précautions d'un homme qui craint une surprise, et me croisa la baïonnette sur la poitrine en me défendant de faire le moindre mouvement. À ses cris, le poste prit les armes, les guichetiers accoururent avec des torches, et je fus extrait de mon trou, non sans y laisser un lambeau de chair. Tout meurtri que j'étais, on me transféra immédiatement à la prison du petit hôtel, où je fus mis au cachot, les fers aux pieds et aux mains. 10 jours après, j'en sortis à force de prières et de promesses de renoncer à toute tentative d'évasion. On me remit avec les autres détenus. Jusqu'alors, j'avais vécu avec des hommes qui étaient loin d'être irréprochables, avec des escrocs, des voleurs, des faussaires. Mais je me trouvais là, confondu avec des scélérats consommés. De ce nombre était un de mes compatriotes, nommé des Fosseux, d'une intelligence singulière, d'une force prodigieuse, et qui, condamné aux travaux forcés dès l'âge de 18 ans, s'était évadé 3 fois du bagne où il devait retourner avec la première chaîne. Il fallait l'entendre raconter ses hauts faits aux détenus et dire froidement que la guillotine pourrait bien faire un four de sa viande, de la chair à saucisse. Mais le secret effroi que m'inspira d'abord cet homme, j'aimais à le questionner sur l'étrange profession qu'il avait embrassée, et ce qui m'engageait à frayer plus particulièrement avec lui, c'est que j'espérais toujours qu'il me procurerait des moyens d'évasion. Par le même motif, je m'étais lié avec plusieurs individus arrêtés comme faisant partie d'une bande de 40 à 50 chauffeurs qui couraient les campagnes voisines sous les ordres du fameux Salambier. C'étaient les nommés Chopin dit Nantais, Louis de Douai, Duhamel dit le Lillois, Auguste Poissard dit le Provençal, Caron le Jeune, Caron le Bossu et Bruxellois dit l'Intrépide, surnom qu'il mérita depuis un trait de courage tel qu'on n'en voit pas souvent dans les bulletins. Au moment de s'introduire dans une ferme avec 6 de ses camarades, il passe la main gauche dans une ouverture faite au volet pour détacher la clavette, mais lorsqu'il veut se retirer, il sent son poignet pris dans un nœud coulant. Éveillé par quelques bruits, les habitants de la ferme lui avaient tendu ce piège. Trop faible toutefois pour faire une sortie contre une bande que la renommée grossissait de beaucoup, ils n'eussent pas osé sortir. Cependant, l'expédition ayant été retardée, on allait se trouver surpris par le jour. Bruxellois voit ses camarades interdits se regarder entre eux avec hésitation. Ils viennent dans l'idée que pour éviter les révélations, ils vont lui brûler la cervelle. De la main droite, il saisit un couteau à gaine à deux fins qu'il portait toujours, se coupe le poignet à l'articulation et s'enfuit avec ses camarades sans être arrêté par la douleur. Cette scène extraordinaire, dont on a placé le théâtre dans 1000 endroits différents, s'est réellement passée aux environs de Lille. Elle est bien connue dans le département du Nord, où beaucoup de gens se rappellent encore d'avoir vu exécuter Manchot, celui qui en fut le héros. Présenté par un patricien aussi distingué que mon compagnon défausseux, je fus reçu à bras ouverts dans ce cercle de bandits où, du matin au soir, on ne faisait que comploter de nouveaux moyens d'évasion. Dans cette circonstance, comme dans beaucoup d'autres, je pus remarquer que, chez le détenu, la soif de la liberté devenant une idée fixe peut enfanter des combinaisons incroyables pour l'homme qui les discute dans une parfaite tranquillité d'esprit. La liberté, tout se rapporte à cette pensée. Elle poursuit le détenu pendant ses journées que l'oisiveté rend si longues, pendant ses soirées d'hiver qu'il doit passer dans une obscurité complète, livré au tourment de son impatience. Entrez dans quelque prison que ce soit, vous entendrez les éclats d'une joie bruyante, vous vous croirez dans un lieu de plaisir. Approchez, ses bouches grimacent, mais les yeux ne rient pas, ils restent fixes, hagards. Cette gaieté de convention est toute factice dans ses élans désordonnés, comme ceux du chacal qui bondit dans sa cage pour en briser les barreaux. Sachant cependant à quels hommes ils avaient affaire, nos gardiens nous surveillaient avec un soin qui déjouait tous nos plans. L'occasion qui seule assurait le succès vint enfin s'offrir, et je la saisis avant que mes compagnons, tout fins qu'ils étaient, y eussent même pensé. On nous avait conduits à l'interrogatoire au nombre d'environ 18. Nous nous trouvions dans l'antichambre du juge d'instruction, gardé par des soldats de ligne et par deux gendarmes, dont l'un avait déposé près de moi son chapeau et son manteau pour entrer au parquet. Son camarade l'y suivit bientôt, appelé par un coup de sonnette. Aussitôt je mets le chapeau sur ma tête, je m'enveloppe du manteau, et prenant un détenu sous le bras, comme si je le conduisais satisfaire un besoin, je me présente à la porte. Le caporal de garde me l'ouvre, et nous voilà dehors. Mais que devenir sans argent et sans papier? Mon camarade gagne la campagne. Pour moi, au risque d'être encore pris, je retourne chez Francine, qui, dans la joie de me revoir, se décide à vendre ses meubles pour fuir avec moi en Belgique. Cette résolution s'exécuta. Nous allions partir, lorsqu'un incident des plus inattendus, et que mon inconcevable insouciance explique seule, vint tout bouleverser. La veille du départ, je rencontre, à la Brune, une femme de Bruxelles nommée Elisa, avec laquelle j'avais eu des rapports intimes. Elle me saute en quelque sorte au cou, m'emmène souper avec elle, en triomphant d'une faible résistance, et me garde jusqu'au lendemain matin. Je fis accroire à Francine, qui me cherchait de tous côtés, que, poursuivi par des agents de police, j'avais été forcé de me jeter dans une maison d'où je n'avais pu sortir qu'au point du jour. Elle en fut d'abord convaincue, mais le hasard lui ayant fait découvrir que j'avais passé la nuit chez une femme, sa jalousie sans borne éclata en reproches sanglants contre mon ingratitude. Dans l'excès de sa fureur, elle jura qu'elle allait me faire arrêter. Me faire mettre en prison, c'était assurément le mode le plus sûr de s'assurer contre mes infidélités. Mais Francine étant femme à le faire comme elle le disait, je crus prudent de laisser s'évaporer sa colère, sauf à reparaître au bout de quelques jours pour partir avec elle comme nous en étions convenus. Ayant cependant besoin de mes effets, et ne voulant pas les lui demander, dans la crainte d'une nouvelle explosion, je m'en seul à l'appartement que nous occupions et dont elle avait la clé. Je force un volet, je prends ce qui m'était nécessaire et je disparais. 5 jours se passent. Vêtu en paysan, je quitte l'asile que je m'étais choisi dans un faubourg. J'entre en ville et me présente chez une couturière, amie intime de Francine, dont je comptais employer la médiation pour nous réconcilier. Cette femme me reçoit d'un air tellement mêlé d'embarras que, craignant de la gêner en l'exposant à se compromettre, je la prie seulement d'aller chercher ma maîtresse. « Oui, » me dit-elle, d'un air tout à fait extraordinaire, et sans lever les yeux sur moi. Elle sort, restée seule. Je réfléchissais à ce singulier accueil. On frappe, j'ouvre, croyant recevoir Francine dans mes bras. C'est une nuée de gendarmes et d'agents de police qui fondent sur moi, me saisissent, me garrottent et me conduisent devant le magistrat de sûreté qui débute par me demander où j'avais logé depuis 5 jours. Ma réponse fut courte. Je n'eus jamais compromis les personnes qui m'avaient reçu. Le magistrat me fit observer que mon obstination à ne vouloir donner aucune explication pourrait me devenir funeste, qu'il y allait de ma tête, etc., etc. Je n'en fis que rire, croyant voir dans cette phrase une manœuvre pour arracher des aveux à un prévenu en l'intimidant. Je persistai donc à me taire, et l'on me ramena au petit hôtel. À peine ai-je mis le pied dans le préau, que tous les regards se fixent sur moi. On s'appelle, on se parle à l'oreille. Je crois que mon travestissement cause tout ce mouvement, et je n'y fais pas plus d'attention. On me fait monter dans un cabanon, où je reste seul, sur la paille, les fers aux pieds. Au bout de 2 heures, paraît le concierge, qui, feignant de me plaindre et de prendre intérêt à moi, m'insinue que mon refus de déclarer où j'avais passé les 5 derniers jours pourrait me nuire dans l'esprit des juges. Je reste inébranlable. 2 heures se passent encore. Le concierge reparaît avec un guichetier qui m'ôte les fers et me fait descendre au greffe où je suis attendu par 2 juges. Nouvel interrogatoire, même réponse. On me déshabille de la tête aux pieds. On m'applique surabondamment sur l'épaule droite une claque à tuer un bœuf pour faire paraître la marque dans le cas où j'aurais été antérieurement flétri. Mes vêtements sont saisis, décrits dans le procès-verbal déposé au greffe, et je remonte dans mon cabanon, couvert d'une chemise de toile à voile et d'un surtout mi-parti gris et noir en lambeaux, qui pouvait avoir usé 2 générations de détenus. Tout cela commençait à me donner à réfléchir. Il était évident que la couturière m'avait dénoncé, mais dans quel intérêt? Cette femme n'avait aucun grief contre moi. Malgré ses emportements, Francine y eut regardé à 2 fois avant de me dénoncer. Et si je m'étais retiré pendant quelques jours, c'était réellement moins par crainte que pour éviter de l'irriter par ma présence. Pourquoi d'ailleurs, ces interrogatoires réitérés, ces phrases mystérieuses du concierge, ce dépôt de vêtements? Je me perdais dans un dédale de conjectures. En attendant, j'étais au secret le plus rigoureux, et j'y restais 25 mortels jours. On me fit alors subir l'interrogatoire suivant, qui me mit sur la voie. « Comment vous appelez-vous ? » « Eugène François Bidoc. » « Quelle est votre profession ? » ?»« Militaire. » »« Connaissez-vous la fille Francine Languet ? » ?»« Oui, c'est ma maîtresse. » »« Savez-vous où elle est en ce moment ? » ?»« Elle doit être chez une de ses amies depuis qu'elle a vendu ses meubles. » »« Comment se nomme cette amie ? » ?»« Madame Bourgeois. » »« Où demeure-t-elle ? » ?»« Rue Saint-André, maison du boulanger. » »« Depuis combien de temps aviez-vous quitté la fille Languet quand vous avez été arrêté ? » ?»« Depuis 5 jours. » »« Pourquoi l'aviez-vous quittée ? » ?»« Pour éviter sa colère. » Elle savait que j'avais passé la nuit chez une autre femme, et dans un accès de jalousie, elle menaçait de me faire arrêter. Avec quelle femme avez-vous passé cette nuit? Avec une ancienne maîtresse. Comment se nomme-t-elle? Elisa. Je ne lui ai jamais connu d'autre nom. Où demeure-t-elle? À Bruxelles, où elle est, je crois, retournée. Où sont les effets que vous aviez chez la fille Languet? Dans un lieu que j'indiquerai si besoin est. Comment avez-vous pu les reprendre, étant brouillé avec elle et ne voulant pas la voir? À la suite de notre querelle dans le café où elle m'avait retrouvé, elle me menaçait à chaque instant de crier à la garde pour me faire arrêter. Connaissant sa mauvaise tête, je m'enfuis par des rues détournées et gagnai la maison. Elle n'était pas encore rentrée. C'est sur quoi je comptais. Mais ayant besoin de quelques-uns de mes effets, je forçai un volet pour entrer dans l'appartement où je pris ce qui m'était nécessaire. Vous me demandiez tout à l'heure où étaient ces effets. Je vais vous le dire maintenant. Ils sont rue Saint-Sauveur, chez un nommé Duboc qui en déposera. Vous ne dites pas la vérité. Avant de quitter Francine chez elle, vous avez eu ensemble une querelle très vive. On assure que vous avez exercé sur elle des voies de fait. C'est faux. Je n'ai point vu Francine chez elle après la querelle. Par conséquent, je ne l'ai pas maltraitée. Elle peut le dire. Reconnaissez-vous ce couteau? Oui, c'est celui avec lequel je mangeais ordinairement. Vous voyez que la lame et le manche sont couverts de sang. Cet aspect ne vous cause aucune impression. Vous vous troublez? Oui, repris-je avec agitation. Mais qu'est-il donc arrivé à Francine? Dites-le-moi et je vous donnerai tous les éclaircissements possibles. Ne vous est-il rien arrivé de particulier lorsque vous êtes venu enlever vos effets? Absolument rien, que je me rappelle au moins. Vous persistez dans vos déclarations? Oui. Vous en imposez à la justice. Pour vous laisser le temps de réfléchir sur votre position, et au sud de votre obstination, je suspends votre interrogatoire. Je le reprendrai demain. Gendarme, veillez avec soin sur cet homme. Allez. Il se faisait tard quand j'entrai dans mon cabanon. On m'apporta ma ration. Mais l'agitation m'avait jeté cet interrogatoire, ne me permit pas de manger. Il me fut aussi impossible de dormir, et je passai la nuit sans fermer l'œil. Un crime avait été commis, mais sur qui? Par qui? Pourquoi me l'imputait-on? Je me faisais ces questions pour la 1000e fois, sans pouvoir y trouver de solution raisonnable, quand on vint me chercher le lendemain afin de continuer mon interrogatoire. Après les questions d'usage, une porte s'ouvrit et deux gendarmes entrèrent, soutenant une femme. C'était Francine. Francine pâle, défigurée, à peine reconnaissable. En me voyant, elle s'évanouit. Je voulus m'approcher d'elle, les gendarmes me retinrent. On l'emporta. Je restai seul avec le juge d'instruction, qui me demanda si la présence de cette malheureuse ne me décidait pas à tout avouer. Je protestai de mon innocence en assurant que j'ignorais jusqu'à la maladie de Francine. On me reconduisit en prison, mais le secret fut levé et je pus enfin espérer que j'allais connaître, dans tous ses détails, l'événement dont je me trouvais si singulièrement victime. Je questionnai le concierge, il resta muet. J'écrivis à Francine. On me prévint que les lettres que je lui adresserais seraient arrêtées au greffe. On m'annonça en même temps qu'elle était consignée à la porte. J'étais sur des charbons ardents. Je m'avisai enfin de demander à un avocat, qui, après avoir pris connaissance des pièces de la procédure, m'apprit que j'étais prévenu d'assassinat sur la personne de Francine. Le jour même où je l'avais quittée, on l'avait trouvée expirante, frappée de 5 coups de couteau et baignée dans le sang. Mon départ précipité, l'enlèvement furtif de mes effets, qu'on savait que j'avais transporté d'un endroit dans un autre comme pour les dérober aux recherches de la justice, l'effraction du volet de l'appartement, les traces d'escalade portant l'empreinte de mes pas, tout tendait à me faire considérer comme le coupable. Mon travestissement déposait encore contre moi. On pensait que je n'étais venu déguisé que pour m'assurer qu'elle était morte sans m'accuser. Une particularité qui eût tourné en mon avantage, dans toute autre circonstance, aggravait encore les charges qui s'élevaient contre moi. Dès que les médecins lui avaient permis de parler, Francine avait déclaré qu'elle s'était frappée elle-même, dans le désespoir de se voir abandonnée par un homme auquel elle avait tout sacrifié. Mais son attachement pour moi rendait son témoignage suspect, et l'on était convaincu qu'elle ne tenait ce langage que pour me sauver. Mon avocat avait cessé de parler depuis un quart d'heure. Je l'écoutais encore comme un homme agité par le cauchemar. À 20 ans, je me trouvais sous le poids de la double accusation de faux et d'assassinat, sans avoir trempé dans aucun de ces deux crimes. J'agitais même dans mon esprit si je ne me pendrais pas au barreau du cabanon avec un lien de paille. J'en faillis devenir fou. Je finis cependant par me remettre assez bien pour réunir tous les faits nécessaires à ma justification. Dans les interrogatoires postérieurs à celui que j'ai rapporté, on avait beaucoup insisté sur le sang dont le commissaire que j'avais pris pour transporter mes effets assurait avoir vu mes mains couvertes. Ce sang venait d'une blessure que je m'étais faite en cassant le carreau pour ouvrir le volet, et je pouvais produire 2 témoins à l'appui de cette assertion. Mon avocat, auquel je fis part de tous mes moyens de défense, m'assura que, réunis à la déclaration de Francine, qui seule n'eût été d'aucun poids, ils assuraient mon renvoi de la plainte, ce qui arriva effectivement peu de jours après. Francine, bien que très faible encore, vint aussitôt me voir et me confirma tous les détails que m'avait révélés l'interrogatoire. Je me trouvais ainsi débarrassé d'un poids énorme, sans être toutefois entièrement tiré d'inquiétude. Mes évasions réitérées avaient retardé l'instruction de l'affaire de faux dans laquelle je me trouvais impliqué, et rien n'en indiquait le terme, Grouard ayant à son tour brûlé la politesse au concierge. L'issue de l'accusation dont je venais de triompher m'avait cependant fait concevoir quelque espoir, et je ne songeais nullement à m'évader, lorsque vint s'en offrir une occasion que je saisis, pour ainsi dire, instinctivement. Dans la chambre où l'on m'avait placé, se trouvaient des détenus de passage. En venant en chercher d'eux un matin, pour les livrer à la correspondance, le concierge oublie de fermer la porte. Je m'en aperçois. Descendre au rez-de-chaussée, tout examiner, est l'affaire d'un instant. Le jour ne faisait que paraître, et les détenus étant tous endormis, je n'avais rencontré personne sur l'escalier, personne à la porte non plus. Je la franchis, mais le concierge, qui boit l'absinthe dans un cabaret situé en face de la prison, m'aperçoit et s'élance à ma poursuite en criant à tue-tête « Arrête, arrête !» Il avait beau crier, les rues étaient encore désertes et l'espoir de la liberté me donnait des ailes. En quelques minutes, je fus hors de la vue du concierge et bientôt j'arrivai dans une maison du quartier Saint-Sauveur où j'étais bien sûr qu'on ne songerait pas à venir me relancer. Il fallait, d'un autre côté, quitter au plus vite l'île, où j'étais trop connu pour pouvoir rester plus longtemps en sûreté. À la tombée de la nuit, on fut à la découverte, et j'appris que les portes étaient fermées. On ne sortait que par le guichet, où se trouvaient à poste fixe des agents de police et des gendarmes déguisés pour observer tout ce qui se présentait. Ne pouvant sortir par la porte, je me décidai à me sauver en descendant des remparts, et connaissant parfaitement la place, je me rendis à 10 heures du soir sur le bastion Notre-Dame, que je croyais l'endroit le plus favorable à l'exécution de mon projet. Après avoir attaché à un arbre la corde que j'avais fait acheter tout exprès, je me laissai glisser. Bientôt le poids de mon corps m'entraînant plus vite que je ne l'avais calculé, le froissement de la corde devint si brûlant pour mes mains que je fus obligé de la lâcher à 15 pieds du sol. En tombant, je me foulai si fortement le pied droit que lorsqu'il fut question de sortir des fossés, je crus que je n'y parviendrais jamais. Des efforts inouïs m'en tirèrent enfin, mais arrivé sur le revêtement, il me fut impossible d'aller plus loin. J'étais là, jurant fort éloquemment contre les fossés, contre la corde, contre la foulure, ce qui ne me tirait pas du tout d'embarras, lorsque vint à passer près de moi un homme avec une de ces brouettes si communes dans la Flandre. Un écu de 6 francs, le seul que je possédasse et que je lui offris, le détermina à me charger sur sa brouette et me conduire au village voisin. Arrivé chez lui, il me déposa sur son lit et s'empressa de me frictionner le pied avec de l'eau-de-vie et du savon. Sa femme le secondait de son mieux, en regardant toutefois avec quelque étonnement mes vêtements souillés de la fange des fossés. On ne me demandait aucune explication, mais je voyais bien qu'il en faudrait donner, et ce fut pour m'y préparer que, feignant d'avoir grand besoin de repos, je priai mes hôtes de me laisser un instant. 2 heures après, je les appelai comme un homme qui s'éveille, et je leur dis en peu de mots qu'en montant des tabacs de contrebande par le rempart, j'avais fait une chute. Mes camarades, poursuivis par les douaniers, avaient été forcés de m'abandonner dans le fossé. J'ajoutai que je remettais mon sort entre leurs mains. Ces braves gens, qui détestaient les douaniers aussi cordialement qu'aucun habitant de quelque frontière que ce soit, m'assurèrent qu'ils ne me trahiraient pas pour tout au monde. Pour les sonder, je demandai s'il n'y aurait pas moyen de me faire transporter chez mon père, qui demeurait de l'autre côté. Ils répondirent que ce serait m'exposer, qu'il valait beaucoup mieux attendre que quelques jours m'eussent un peu remis. J'y consentis. Pour écarter tous les soupçons, il fut même convenu que je passerais pour un parent en visite. Personne ne fit au surplus la moindre observation. Tranquille de ce côté, je commençai à réfléchir à mes affaires et aux parties que j'avais à prendre. Il fallait évidemment quitter le pays et passer en Hollande. Cependant, pour exécuter ce projet, l'argent était indispensable, et outre ma montre, que j'avais offerte à mon hôte, je me voyais à la tête de 4 livres 10 sous. Je pouvais bien recourir à Francine, mais on ne devait pas manquer de la faire épier de près. Lui adresser le moindre message, c'était vouloir se perdre. Il fallait au moins attendre que l'ardeur des premières recherches fût apaisée. J'attendis. 15 jours se passèrent, au bout desquels je me décidai enfin à écrire un mot à Francine. J'en chargeai mon hôte, en lui disant que cette femme, servant d'intermédiaire au contrebandier, il était bon de ne la voir qu'avec mystère. Il remplit parfaitement sa mission et revint le soir avec 120 francs en or. Le lendemain, je pris congé de mes hôtes, dont les prétentions furent excessivement modestes. 6 jours après, j'arrivai à Ostende. Mon intention, comme à mon premier voyage dans cette ville, était de passer en Amérique ou dans l'Inde, mais je n'y trouvai que des caboteurs danois ou hambourgeois qui refusèrent de me prendre sans papier. Cependant, le peu d'argent que j'avais emporté de l'île s'épuisait à vue d'œil, et j'allais me retrouver encore dans une de ces positions avec lesquelles on se familiarise plus ou moins, mais qui n'en reste pas moins fort désagréable. L'argent ne donne certainement ni le génie, ni les talents, ni l'intelligence, mais la tranquillité d'esprit, l'aplomb qu'il procure, permettent de suppléer à toutes ces qualités, tandis que, faute de ce même aplomb, elles se neutralisent chez beaucoup d'individus. Il en résulte que dans le moment où l'on aurait le plus besoin de toutes les ressources de son esprit pour se procurer de l'argent, on se trouve privé de ces ressources par le fait même du manque d'argent. J'étais évidemment placé dans la dernière de ces catégories. Cependant, il fallait dîner, opération souvent beaucoup plus difficile que ne l'imaginent ces heureux du siècle qui croient qu'il ne faut pour cela que de l'appétit. On m'avait fréquemment parlé de la vie aventureuse et lucrative des contrebandiers de la côte. Des détenus me l'avaient même vanté avec enthousiasme, car cet état s'exerce quelquefois par passion, même de la part d'individus que leur fortune et leur position devraient détourner d'une carrière aussi périlleuse. Pour moi, j'avoue que je n'étais nullement séduit par la perspective de passer des nuits entières au bord des falaises, au milieu des rochers, exposé à tous les vents connus et de plus aux coups de fusil des douaniers. Ce fut donc avec une véritable répugnance que je me dirigeais vers la maison d'un nommé Peters, qu'on m'avait désigné comme faisant la fraude et pouvant m'embaucher. Une mouette clouée sur la porte, les ailes étendues, comme ces chats-huants et ces tiercelets qu'on voit à l'entrée de beaucoup de chaumières, me fit aisément reconnaître son domicile. Je trouvai le patron dans une espèce de cave, qu'aux câbles, aux voiles, aux avirons, aux hamacs et aux tonneaux qui l'encombraient, on eût pris pour l'entrepont d'un navire. Du milieu de l'épaisse atmosphère de fumée qui l'environnait, il me regarda d'abord, avec une méfiance qui me parut de mauvais augure. Mes pressentiments se réalisèrent bientôt, car à peine eus-je fait mes offres de service, qu'il tomba sur moi un grand coup de bâton. J'aurais pu certainement résister avec avantage, mais l'étonnement m'avait en quelque sorte ôté l'idée de me défendre. Je voyais d'ailleurs dans la cour une demi-douzaine de matelots et un énorme chien de Terre-Neuve qui eussent pu me faire un mauvais parti. J'étais dans la rue, je cherchais à m'expliquer cette singulière réception quand il me vint dans l'idée que Peters pouvait m'avoir pris pour un espion et traité comme tel. Cette réflexion me décida à retourner chez un marchand de Genièvre auquel j'avais inspiré assez de confiance pour qu'il m'indiquât cette ressource. Il commença par rire un peu de ma mésaventure et finit par me communiquer un mot de passe qui devait me donner un libre accès auprès de Peters. Muni de ces instructions, je m'acheminai de nouveau vers le redoutable domicile, après avoir toutefois rempli mes poches de grosses pierres qui, en cas de nouvelle algarade, pouvaient servir à protéger ma retraite. Ces munitions restèrent heureusement inutiles. À ces mots, gare aux requins, les douaniers, je fus reçu d'une manière presque amicale, car mon agilité, ma force, me rendaient un sujet précieux dans cette profession, où l'on est souvent obligé de transporter précipitamment d'un point à un autre les plus lourds fardeaux. Un bordelais, qui faisait partie de la troupe, se chargea de me former et de m'enseigner les ruses du métier. Mais je devais être appelé à exercer avant que mon éducation fût bien avancée. Je couchais chez Peters avec 12 ou 15 contrebandiers hollandais, danois, suédois, portugais ou russes. Il n'y avait point là d'anglais, et nous n'étions que 2 français. Le surlendemain de mon installation, au moment où chacun gagnait son grabat ou son hamac, Peters entra tout à coup dans notre chambre à coucher, qui n'était autre chose qu'une cave contiguë à la sienne, et tellement remplie de barriques et de ballots que nous avions peine à trouver place pour suspendre les hamacs. Peters avait quitté son costume ordinaire, qui était celui d'un ouvrier calfat ou voilier. Avec un bonnet de crin et une chemise de laine, rattachée sur la poitrine par une épingle en argent, qui servait en même temps à déboucher la lumière des armes à feu, il portait une paire de ses grosses bottes de pêcheur qui montent jusqu'au haut de la cuisse ou se baissent à volonté au-dessous du genou. « Hop, hop » cria-t-il de la porte en frappant la terre de la crosse de sa carabine. « Branle-bas, branle-bas ! Nous dormirons un autre jour. On a signalé l'écureuil pour la marée du soir. Faut voir ce qu'il a dans le ventre. De la mousseline ou du tabac. Hop, hop ! Arrivez, mes marsouins !» En un clin d'œil, tout le monde fut debout. On ouvrit une caisse d'armes. Chacun se munit d'une carabine ou d'un tromblon, de 2 pistolets, d'un coutelas ou d'une hache d'abordage, et nous partîmes, après avoir bu quelques verres d'eau-de-vie et de rack. Les gourdes avaient été remplies. En ce moment, la troupe n'était guère composée que de 20 personnes, mais nous étions rejoints ou attendus d'un endroit à l'autre par des individus isolés, de manière que, arrivés au bord de la mer, nous nous trouvions au nombre de 47, non compris de femmes et quelques paysans des villages voisins, venus avec des chevaux de somme qu'on avait cachés dans le creux d'un rocher. Il était nuit close. Le vent tournait à chaque instant et la mer brisait avec tant de force que je ne comprenais pas qu'aucun bâtiment puisse s'approcher sans être jeté à la côte. Ce qui me confirmait dans cette idée, c'est qu'à la lueur des étoiles, je voyais un petit bâtiment courir débordé comme s'il eût craint de laisser arriver. On m'expliqua depuis que cette manœuvre n'avait pour but que de s'assurer que toutes les dispositions pour le débarquement étaient terminées et qu'il ne présentait aucun danger. En effet, Peters ayant allumé une lanterne à réflecteur, dont il avait chargé l'un de nous et qu'il éteignit aussitôt, l'écureuil éleva sa une un fanal qui ne fit que briller et disparaître comme un ver luisant dans les nuits d'été. Nous le vîmes ensuite arriver vent arrière et s'arrêter à une portée de fusil de l'endroit où nous nous trouvions. Notre troupe se partagea alors en 3 pelotons, dont 2 furent placés 500 pas en avant pour maintenir les douaniers s'ils leur prenaient fantaisie de se présenter. Les hommes de ces pelotons furent ensuite espacés sur le terrain, ayant attaché au bras gauche une ficelle qui correspondait de l'un à l'autre. En cas d'alerte, on se prévenait par une légère secousse, et chacun ayant l'ordre de répondre à ce signal par un coup de fusil, il s'établissait sur toute la ligne une fusillade qui ne laissait pas d'inquiéter les douaniers. Le troisième peloton, dont je faisais partie, resta au bord de la mer pour protéger le débarcadère et donner un coup de main au chargement. Tout étant ainsi disposé, le chien de Terre-Neuve, dont j'ai déjà parlé, et qui se trouvait de la compagnie, s'élança au commandement au milieu des vagues écumeuses et nagea vigoureusement dans la direction de l'écureuil. Un instant après, nous le vîmes reparaître, tenant à la gueule un bout de câble. Peter s'en saisit vivement et commença à le tirer à lui en nous faisant signe de l'aider. J'obéis machinalement à cet ordre. Au bout de quelques brasses, je m'aperçus qu'à l'extrémité du câble étaient attachés, en forme de chapelet, 12 petits tonneaux qui nous arrivèrent en flottant. Je compris alors que le bâtiment se dispensait ainsi d'approcher plus près de terre au risque de se perdre sous les brisants. En un instant, les tonneaux, enduits d'une matière qui les rendait imperméables, furent détachés et chargés sur des chevaux qu'on évacuait aussitôt sur l'intérieur des terres. Un second envoi se fit avec le même succès. Mais au moment où nous recevions le troisième, quelques coups de feu nous annoncèrent que nos postes étaient attaqués. « Voilà le commencement du bal, » dit tranquillement Peters. « Il faut voir qui dansera. » Et reprenant sa carabine, il joignit les postes qui s'étaient déjà réunis. La fusillade devint très vive. Elle nous coûta 2 hommes tués, quelques autres furent légèrement blessés. Au feu des douaniers, on voyait aisément qu'ils nous étaient supérieurs en nombre. Mais, effrayés, craignant une embuscade, ils n'osèrent pas nous aborder, et nous effectuâmes notre retraite sans qu'ils fissent la moindre tentative pour la troubler. Dès le commencement du combat, l'écureuil avait levé l'ancre et gagné le large, dans la crainte que le feu n'attirât dans ses parages la croisière du gouvernement. On me dit qu'il achèverait probablement de débarquer sa cargaison sur un autre point de la côte où les expéditeurs avaient de nombreux correspondants. De retour chez Peters, où l'on arriva qu'à l'aube du jour, je me jetai dans mon hamac et n'en sortis qu'au bout de 48 heures. Les fatigues de la nuit, l'humidité qui avait constamment pénétré mes habits, en même temps que l'exercice me mettait tout en sueur, l'inquiétude de ma nouvelle position, tout se réunissait pour m'abattre. La fièvre me saisit. Lorsqu'elle fut passée, je déclarai à Peters que je trouvais décidément le métier trop pénible et qu'il me ferait plaisir de me donner mon congé. Il prit la chose plus tranquillement que je ne m'y attendais et me fit même compter 100 francs. J'ai su depuis qu'il m'avait fait suivre pendant quelques jours pour s'assurer si je prenais la route de l'île où je lui avais annoncé que je retournais. Je pris effectivement le chemin de cette ville, tourmenté par un désir puéril de revoir Francine et de la ramener avec moi en Hollande, où je formais le projet d'un petit établissement. Mais mon imprudence fut bientôt punie. 2 gendarmes, qui étaient à boire dans un cabaret, m'aperçurent traversant la rue. Il leur vint à l'idée de courir après moi pour me demander mes papiers. Ils me joignent au détour d'une rue. Le trouble que me cause leur apparition les décide à m'arrêter sur ma physionomie. On me met dans la prison de la brigade. Je cherchais déjà des moyens d'évasion lorsque j'entendis aux gendarmes « Voilà la correspondance de Lille. » « Ah, qui a marché ?» 2 hommes de la brigade de Lille arrivent en effet devant la prison et demandent s'il y a du gibier. « Oui, » répondent ceux qui m'avaient arrêté. « Nous avons là un nommé Léger, j'avais pris ce nom, que nous avons trouvé sans papier. » On ouvre la porte et le brigadier de Lille, qui m'avait souvent vu au petit hôtel, s'écrie « Hé, parbleu, c'est Bidoc !» Il en fallut bien convenir. Je partis et quelques heures après, j'entrai dans l'île entre mes 2 gardes du corps.